Clermont-Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Julien Théry est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Autant dire qu'il pourrait bien être question de Moyen-Âge. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Julien Théry possède l'art de simplifier les questions qui, de prime abord, pourraient sembler compliquées. Avec lui, cet après-midi, nous allons évoquer l'ordre religieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem. Des moines soldats, ces hospitaliers, que nous voyons à l'œuvre à l'instant dans leur défense de l'île de Rhodes. Rhodes, où nous conduira par la suite Lorena Martin. Et comme tous les vendredis, nous terminerons l'émission par un coup de cœur. Et cette semaine, c'est votre tour de nous faire rêver, Franck. Oui, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « L'enfant » de San Piero Sanguinetti, tout un mystère. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Fin du XIIIe siècle, en 1291, autant dire qu'il ne reste quasiment plus rien des territoires acquis par les puissances occidentales pendant les croisades. Vous savez qu'on s'était installé, les chevaliers d'Occident s'étaient installés en Terre Sainte. Le port de Saint-Jean d'Acre sur la côte de la Palestine est le dernier reliquat en Terre Sainte de ce qui a été un royaume, un véritable royaume. Or, le sultan d'Égypte est bien décidé à en terminer avec les ambitions des Latins dans la région. En mai, on est donc en 1291, en mai, il envoie une immense armée contre la ville de Saint-Jean d'Acre, ville fortifiée s'il en fut. La conquête mamelouque doit être nette, doit être rapide. Et dès lors, à Saint-Jean d'Acre, les maigres espoirs reposent pour une bonne part sur les épaules de deux hommes, les dirigeants des deux principaux ordres de moines soldats présents en ville, les Templiers et les Hospitaliers. À eux notamment, avec leurs quelques centaines de chevaliers, de tenter de faire face au déferlement ennemi. Autant dire que c'est une tâche quasiment insurmontable. Ils ont beau être les héritiers d'ordres puissants, redoutés, spécialement préparés pour ce genre de combat, l'ennemi est très puissant. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement trop puissant? Dites-vous qu'en à peine plus d'une semaine, au terme d'un affrontement terrible, Saint-Jean d'Acre va être obligé de plier le genou. La ville s'effondre. On raconte que seulement une petite vingtaine de chevaliers templiers et hospitaliers vont survivre à ce qui a été un véritable massacre. Ainsi, pour les deux ordres, le moment est venu de tourner une page très importante. On peut penser qu'à l'époque, ils n'appartiennent désormais plus qu'au passé. En tout cas, il va leur falloir se replier sur d'autres bases en attendant peut-être un jour, qui sait, de reposer le pied en Terre Sainte. Les hospitaliers, je les ai cités plusieurs fois, les Templiers, on les connaît, ou on a en tout cas le sentiment de les connaître. Les hospitaliers, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ce sont des moines soldats dont les fonctions sont, là encore, largement caritatives. Comme les Templiers, ils se sont développés en Orient dans le contexte des croisades, mais ils ont aussi des commanderies en Europe, de nombreuses possessions qui leur assurent de bons revenus, même si ces revenus sont irréguliers. On va voir les Templiers se tourner vers la finance, si je puis dire, et les hospitaliers se tourner vers les bonnes œuvres, en simplifiant beaucoup. Nous verrons ce que Julien Théry a à nous dire tout à l'heure sur la question. Alors, plutôt que de se replier carrément en Occident, les hospitaliers, en tout cas leur grand maître, le grand maître de l'ordre, décide de rester là, à proximité. Le choix des hospitaliers se porte d'abord sur l'île de Chypre, qui est le siège d'un royaume chrétien. Mais les relations avec le pouvoir local se compliquent assez vite et il faut aller trouver un autre quartier général. Où aller? Eh bien, les hospitaliers vont s'installer à Rhodes. Rhodes, on est donc tout à fait au sud de la mer Égée. En théorie, possession de l'Empire byzantin, un empire byzantin qui à l'époque est lui-même très affaibli. En 1306, toute une opération de conquête est mise au point avec des Génois. On lance une véritable attaque. C'est une conquête qui n'est pas facile. Rhodes possède de bonnes défenses, défenses naturelles et défenses artificielles. Les Byzantins ne se laissent pas faire. Et finalement, il semble que la cité principale ne cède qu'au bout de 3 ans. Il n'empêche, les hospitaliers sont maintenant à pied d'œuvre, à Rhodes. Ils ont là leur nouveau siège. La situation de Rhodes, très proche de la côte anatolienne, est une situation stratégique, même si elle n'est pas parfaite. L'île fait 1400 de nos kilomètres carrés. Elle possède un port notable, défendable. Finalement, on pourrait se dire que Rhodes est la place dont l'Occident a besoin pour cette revanche potentielle, pour cette revanche dont il rêve. Jürgen Sarnowski raconte « Rapidement, les hospitaliers établirent leur centre de pouvoir dans leur nouvelle base. Le couvent s'installa dans la ville de Rhodes. Les droits de la population locale, y compris le libre exercice du culte orthodoxe, furent garantis par un texte qui, toutefois, accordait au grand maître un pouvoir considérable sur l'Église grecque. L'ordre échoua à faire venir d'Occident des nobles. Cependant, la ville et la campagne furent repeuplées en partie par des Latins, en partie par des Grecs. Ainsi, les décennies défilent et les hospitaliers font de Rhodes une véritable puissance. Puissance limitée, mais réelle. Puissance sur laquelle il va falloir compter dans la région. Leur position n'est pas simple à tenir, disons-le. L'ordre est lié à la papauté. Il peut être amené à collaborer à des expéditions contre les infidèles quand le pape le décide. Mais en même temps, il doit chercher, dans un souci de sécurité, à d'abord préserver cette espèce d'équilibre qu'il a pu établir avec un certain nombre de puissances musulmanes alentour. Les Mamelouks, qui ont chassé l'ordre de Terre Sainte, ces Mamelouks ne sont pas les seuls ennemis des hospitaliers. Et ce ne sont même peut-être pas les plus redoutables. N'oubliez pas les Turcs ottomans qui émergent de plus en plus dans la région. Pas sûr que ces deux puissances tolèrent longtemps la présence sur un rocher méditerranéen très proche de leur côte de ces moines soldats chrétiens. Et d'autant plus que les hospitaliers vont crisper un certain nombre de souverains en favorisant la piraterie. Il leur faut bien trouver des moyens de subsister. Rhodes maintient néanmoins un équilibre relatif au XIVe siècle, même s'il y a des turbulences. Et par la suite, ça devient de plus en plus compliqué. Les Mamelouks mènent en 1440 une attaque contre l'île et même, 4 ans après, un véritable siège. Un siège qui va durer plus d'un mois. Pour l'instant, les hospitaliers tiennent bon, ils s'accrochent à leur rocher, si je puis dire, mais disons-le, ils vivent dans une situation de danger permanent et danger qui s'intensifie. À cette époque, les Ottomans donnent en effet un coup fatal à l'Empire byzantin. Ai-je besoin de vous rappeler la chute de Constantinople en 1453, nous répétons toujours ça, mais c'est une date absolument essentielle. Et si Rhodes devenait la prochaine cible des Turcs ? Quelques années passent et en effet, les relations avec les Ottomans finissent par dégénérer. Alors il y a toutes sortes de raisons. Je vous ai parlé des pirates tout à l'heure, mais il y a aussi un refus des chevaliers de payer un tribut au sultan. Bref, la grande attaque a lieu au printemps 1480. Le sultan Mehmet II envoie un chef important, Mehzi Pacha, qui a la particularité d'être issu de l'ancienne famille impériale byzantine des paléologues. Mais vous voyez, c'est quand même un grec paléologue qui est au service des musulmans de Constantinople, des Ottomans. Ses troupes nombreuses, puissantes, débarquent sur l'île, engagent un siège, et un siège vraiment dans les règles. Les hospitaliers derrière leurs murailles solides ne se laissent pas impressionner. Leur opposition est farouche et finalement, Mehzi Pacha finit par lancer un assaut. Il n'a pas le choix. Il est repoussé. Des renforts arrivent depuis l'Occident, donc il va être pris en tenaille d'une certaine manière. Les Ottomans sont obligés de lâcher prise et de repartir en août. Pour les hospitaliers, raconte Nicolas Vatin, ce fut un grand succès qui fit beaucoup de bruit en Occident. Ils le firent d'ailleurs valoir de leur mieux. De plus, les Ottomans gardèrent le souvenir d'un siège particulièrement éprouvant, ce qui constituait en soi une protection psychologique appréciable. C'est certain, les hospitaliers ont réussi, ils ont marqué un coup. Seulement, les Ottomans, ai-je besoin de vous le dire, n'ont pas dit là leur dernier mot. De la bande originale du film Kingdom of Heaven à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous proposez de suivre l'histoire des hospitaliers, un ordre de moines soldats très actifs à l'époque des croisades. Ils ont été chassés de Terre Sainte, on l'a suivi, se sont installés sur l'île de Rhodes, mais ils gênent de plus en plus les Ottomans qui ont même tenté de les déloger en 1480, sans succès. Alors pour bien mesurer l'exploit des hospitaliers, vous pouvez nous rappeler quelle était la puissance des Ottomans à l'époque? Oui, c'est une très grande puissance, hein. Ils sont en pleine expansion. Cette chute de Constantinople a beaucoup marqué les esprits partout et il s'impose maintenant comme la puissance de l'Est méditerranéen. En parallèle, vous avez les Mamelouks qui, eux, sont sur le déclin et qui, d'ailleurs, en 1517, vont finir par céder, par s'effondrer face aux Ottomans. Les Ottomans progressent également de l'autre côté, dans les terres, si je puis dire, là-haut, au nord-ouest, en terre chrétienne. On les voit avancer de plus en plus. Ils vont arriver jusqu'aux portes de Vienne et dans ce contexte, le poste avancé chrétien, qu'est la petite île de Rhodes, n'est quand même pas grand-chose. Hein. Mais il faut reconnaître qu'en 1480, Rhodes a réussi à tenir le coup, incontestablement. Alors, juste après cette victoire, les hospitaliers qui ne sont pas rassurés, il faut vous dire qu'en 1480, il y a eu de graves tremblements de terre qui vont fragiliser Rhodes. Et on se dit que le sultan pourrait chercher à en profiter. Et c'est alors que le sultan Mehmet II meurt. Les hospitaliers pensent qu'ils vont pouvoir respirer un peu. En fait, les circonstances vont un temps leur être étonnamment favorables. Il y a à Istanbul une crise de succession, remportée par celui qui devient le nouveau sultan, le fameux Bajazet II, vous savez qu'on connaît nous pour d'autres raisons. Son frère vaincu va aller trouver refuge à Rhodes, figurez-vous, et ça c'est très habilement exploité par la diplomatie hospitalière qui va essayer de tirer de cette affaire un traité favorable et dans les clauses du traité, le frère déchu dit qu'il va rester auprès des chrétiens et en échange, Bajazet II offre une somme annuelle, donc un véritable tribut, mais dans l'autre sens si vous voulez. Nicolas Vatin précise, pratiquement c'était un tribut. En dehors de l'intérêt financier de l'accord, c'était une victoire psychologique qui allait donner à l'ordre un lustre incontestable. Seulement, il ne faut pas s'y tromper, il ne s'agit là que d'une éclaircie passagère. Un conflit va finir par éclater au début du XVIe siècle. Rhodes, il faut dire, risque sans arrêt de se faire entraîner dans des guerres entre puissances européennes et musulmanes. Vous savez que la Méditerranée est le grand terrain d'affrontement à l'époque. Et sur le sujet de la piraterie, l'ordre des hospitaliers continue de mener une politique qui, disons-le, est pour le moins ambiguë. Donc c'est très difficile pour les autres chrétiens de soutenir ceux-mêmes qui alimentent la piraterie dans l'Est méditerranéen. Et de plus, la position subalterne de musulmans à Rhodes, disons que certains sont même carrément esclaves, c'est un sujet de scandale pour les Ottomans cette fois. On imagine mal comment un statu quo pourrait, dans ces conditions-là, se maintenir bien longtemps. En 1520, un jeune sultan, il a 25 ans, il est entreprenant, ambitieux, audacieux, arrive sur le trône. Le sultan en question, vous Soliman. Le connaissez, c'est Soliman, bien entendu, Soliman le Magnifique, comme nous disons nous. Après avoir pris Belgrade en 1521, il décide de se retourner littéralement contre Rhodes. Il sait que les hospitaliers ont un système de défense très au point, ils ont beau ne pas être nombreux, ils ne vont pas se laisser facilement jeter à la mer. Soliman entend faire mieux qu'en 1480, il lui faut se débarrasser une bonne fois de cette espèce d'enclave chrétienne, là, juste aux abords de son empire. Et dès lors, il ne lésine pas sur les moyens. Il mobilise de grandes escadres, lui-même prend la tête d'une armée gigantesque, puisqu'on a été jusqu'à évoquer 200 000 hommes qui traversent l'Anatolie occidentale jusqu'au port de Marmaris. On est là, à quelques encablures de Rhodes. Et le grand maître de l'ordre, Philippe de Villiers-l'Isle-Adam, peut légitimement trembler. Fin juillet 1522, les forces ottomanes s'ébranlent vers l'île et leur débarquement est une chose absolument extraordinaire. Impossible de s'opposer efficacement à ça, il n'y a rien à faire. Le siège de la place de Rhodes commence. Rhodes, donc la place forte, se trouve au nord de l'île. Et en tout et pour tout, Villiers-l'Isle-Adam dispose sans doute d'une grosse quinzaine de milliers d'hommes pour résister, dont quelques centaines de chevaliers hospitaliers seulement. Et vous imaginez ce qu'il y a en face, bien entendu, d'autant que les puissances occidentales ne se bousculent pas pour venir à la rescousse de Rhodes. Hein. Alors, les hospitaliers parviennent dans un premier temps à gêner les assiégeants. Ils étudient leurs mouvements depuis le haut du clocher de la cité, du moins jusqu'à ce que ce clocher soit abattu par des tirs d'artillerie. C'est vous dire si les Ottomans sont très habiles dans ce domaine, mais on les avait déjà vus à l'œuvre au moment du siège de Constantinople. Les canons répondent aux canons, des sorties hospitalières répondent aux offensives ottomanes. Les forces turques tiennent toujours mieux leur position et leur artillerie provoque maintenant de sérieux dommage. Et chaque jour qui passe et chaque semaine, on entre maintenant dans l'automne, montre la fragilité des hospitaliers. Il faut imaginer l'épuisement, mais l'épuisement dans les deux camps d'ailleurs, et la terreur qui règne dans la population rhodienne. Cette population n'est plus vraiment à l'abri derrière ces murailles. Alors pour l'instant, les murailles en question tiennent à peu près. Seulement, les hospitaliers savent bien qu'ils sont condamnés. D'abord, ils n'ont plus de poudre, tout simplement, et leur morale est vraiment en baisse. Dans cette ville où cohabitent les nationalités et les religions, des soupçons sont en train de naître. Certains se demandent s'il n'y en a pas qui travaillerait en faveur des Ottomans, qui travaillerait à la défaite. Il y a des liens incontestable entre certains habitants et les Ottomans. Le siège semble avoir provoqué un divorce entre les communautés, nous dit Nicolas Vatin. On vécut dans la hantise d'une cinquième colonne, voyant des traîtres partout. Les premiers coupables ou victimes arrêtés furent, est-ce un hasard, des Juifs, mais l'ordre lui-même était déchiré. En effet, des accusations sont formulées contre un hospitalier important, puisque c'est le Portugais André d'Amaral. L'année précédente, il avait été, dit-on, irrité que Villiers-l'Isle-Adam obtienne la direction de l'ordre plutôt que lui, et on dit qu'il a favorisé à partir de là, l'attaque de Soliman. En fait, sa culpabilité n'est pas évidente. Il n'empêche, il n'en est pas moins jugé et il est mis à mort en octobre. Et en face, les Ottomans peuvent avoir des doutes alors que l'hiver approche et que leurs efforts, pour impressionnants qu'ils aient été, n'ont pas encore abouti. La question est peut-être qui des deux belligérants va craquer le premier, parce que c'est ça, c'est une affaire de résistance, c'est une affaire d'endurance maintenant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'épopée des chevaliers hospitaliers. Nous sommes à Rhodes. Entre les Ottomans et les hospitaliers, qui va craquer? C'est la question que vous avez posée il y a un instant. Alors, la chute de Rhodes a été beaucoup moins rapide que ce que les Ottomans avaient imaginé. Hein. Ouais. Et ils ont déployé des forces immenses et pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'effet. Décidément, ces hospitaliers, même s'ils sont très peu nombreux, sont d'une ténacité absolument hors du commun. Et en plus, ils parviennent à éviter le verrouillage de leur port par la flotte turque. Et ça, dans le cadre d'un siège, évidemment, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que leur ravitaillement, pour l'instant, n'est pas entièrement coupé. Soliman n'en décide pas moins de persévérer. Il n'entend pas avoir fait tous ses efforts, avoir consenti. Mais bien sûr, il a consenti des efforts considérables. Il entend bien que ce soit payant. Je cite de nouveau Nicolas Vatin. Soliman dut en novembre se réapprovisionner en vivres, animaux et poudre. Et il décida d'hiverner sur l'île quand il comprit qu'il ne pourrait parvenir à ses fins qu'à ce prix. Or, c'était là une pratique exceptionnelle chez les Ottomans, dont toute l'histoire nous montre qu'ils étaient beaucoup plus familiers des raids que des sièges très longs comme ça, tels qu'on avait pu les connaître et tels qu'on pouvait les connaître à la même époque, plutôt en Europe. Dans la place assiégée, au sein de la population, certains semblent de moins en moins enclins à poursuivre l'effort de guerre et l'on entend maintenant des petites voix de plus en plus insidieuses, de plus en plus présentes, qui veulent qu'on entre en négociation avec les Ottomans. Il faut se rendre à l'évidence, les défenses de Rhodes ne tiendront pas éternellement et cette fois, les hospitaliers n'ont pas d'issue. Il serait sans doute plus sage de limiter les souffrances de la population et on voit l'idée faire son chemin. La pression monte de plus en plus forte sur les principaux responsables de l'ordre et Villiers-l'Isle-Adam doit bien finir par accepter le principe d'une discussion, d'une négociation avec Soliman. Les pourparlers sont engagés. le 10 décembre 1522 et ils vont aboutir quelques jours plus tard. Alors, disons-le, les hospitaliers s'en tirent honorablement. Ils se voient accorder une dizaine de jours pour quitter les lieux. Ils peuvent le faire avec leur possession, avec un certain nombre de canons. Soliman leur octroie même les honneurs de la guerre. Donc, ça n'est pas du tout une capitulation lamentable. Au sein de la population, ceux qui le souhaiteront vont pouvoir s'en aller eux aussi. Et l'islam ne sera pas imposé aux vaincus. Ça, c'est toute la vieille stratégie des anciens Turcs Seljoukides, de ces Ottomans extrêmement habiles et qui vont comme ça réussir à gagner toute une partie du monde. Ainsi, le 1er janvier 1523, les hospitaliers quittent l'île qu'ils avaient défendue avec tant d'acharnement depuis plus de 2 siècles. Ça doit être un déchirement effroyable pour eux. Mais pour autant, leur épopée n'est pas terminée. Et là, je cite Jean-Marc Roger. « Les hospitaliers ne savaient où aller. Le grand maître se montra un chef à la hauteur de la situation. Pendant plus de 7 ans de pénibles tribulations, il dut déménager successivement le couvent de lieu en lieu provisoire, s'arrêtant à Messine, à Naples, à Civitavecchia, à Viterbe, puis à Nice. Ne reculant pas devant les voyages, il sollicita l'appui du pape, de l'empereur Charles Quint, des rois de France et d'Angleterre. » Mais finalement, vous savez que c'est l'Espagne qui va offrir aux hospitaliers un refuge à partir de 1530. Ce refuge, c'est Malte. Malte, décidément, encore une île à défendre.